La toile cirée, c'est des bonbons. Ils appellent ça une expérience scientifique. J'ai rapporté quelques bonbons pour les enfants, je suis là, ok? Et moi alors? Moi c'est vrai quoi? J'ai que leur gosse perd une dent, je suis de ma poche. Et qu'est-ce que j'en échange? Des pièges ou du blanc poisonné? J'emmerde la science.